Deuxième partie, l'importance du couple. Remarquez, je n'ai pas dit l'importance de vivre en couple. Hein? Subtile nuance. Quand on parle couple, on parle inévitablement de personnes qui sont avec nous à partager des confidences de haut en bas. Sinon, c'est des amis. Quand on partage des confidences et qu'il y a une zone réservée, inévitablement, c'est des amis. Ça peut être même de la famille. Il y a un âge que tu montes puis tes fesses à ton papa. Ça, il donne des goûts. Et conséquemment, il y a un âge que on va dire que tu es dans ton individualité. Et puis quand tu tombes dans ton individualité, tu commences à avoir un regard différent sur l'humanité. Et conséquemment, le regard que tu as, ça devient un regard plus associatif et dégager des informations de la culture familiale. Quand tu commences à être libéré de ta culture familiale, c'est là que tu commences à vouloir découvrir le monde et à découvrir qu'il faut que tu laisses ta famille. Si tu veux faire une analyse du couple, tous les couples qui vont bien ont le moins de famille possible qui viennent d'interférence. Tu mets de la famille dans un couple, je parle de la famille, les parents, là, et là, tu sabotes la structure du couple parce que un couple veut tout le temps avoir une dominance. Un des partenaires dans la relation cherche tout le temps à avoir une dominance. Et il se sert beaucoup, beaucoup de la famille pour comme rentrer les valeurs de sa famille pour établir une prédominance dans l'influence des discussions, puis dans l'influence des goûts, puis l'influence de la cuisine, puis l'influence du social. Parce qu'il cherche à saper du temps. Quand tu es capable de ne pas te laisser prendre par la famille, là, tu vas faire un vrai couple. Mais si l'axe de famille est toujours dans le portrait, indépendamment si c'est la famille Dion, là, puis toute l'affaire des gens célèbres qui ont besoin comme d'avoir une famille, si tu es capable de te dégager de la famille, tu vas vraiment vivre en couple. Mais si tant que ton famille va être dans le portrait, tu vas toujours être dans un rapport de recherche de dominance dans le couple. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les gens sont moins animaux dans un couple qu'en dehors d'un couple. Il y a toujours du territoire. Le principe fondamental de l'âme, c'est de se bâtir du territoire. Fait que quand tu cherches du territoire, tu cherches une zone d'influence. La plupart du temps, pour notre période, notre zone civilisée, c'est d'installer un terrain social et d'installer un terrain où, dans la relation, il y en a un qui a une très forte influence et l'autre devient strictement conseiller dans l'échange. Il n'est pas décideur. Il devient conseiller de la décision. Idéalement, quand un couple arrive à un certain niveau de maturité, je dis bien de maturité, la relation s'égalise et les deux décident. Mais avant que ça décide ensemble, ça a tendance souvent à décider tout seul puis à imposer la ligne de conduite ipso facto à l'autre. Ça, c'est la vraie vie, là. On s'entend-tu? Et la famille sert à renforcer, je parle de la famille d'un des deux partenaires, cherche à renforcer le rapport de dominance dans l'échange. C'est très, très underground, c'est très subtil. C'est aussi subtil que les ambiances que tu as quand tu baises ensemble, tu sais. Fait que le sexe, on dit tout le temps, ouais, c'est pour avoir du fun, mais ça va bien plus loin que ça. Ça va jusqu'à avoir une autorité sur le rapport que tu as avec l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes, dans le phénomène de la sexualité, ils ne donnent plus une valeur aussi sentimentale qu'avant parce que ça les ramenait dans un rapport de service. Aujourd'hui, la femme va avoir son pouvoir avec sa sexualité, avec son esthétisme, avec sa candeur, sa finesse. Tu peux avoir beaucoup de contrôle en étant fin, en étant doux, hein. Moi, j'ai vu des démonstrations de tout ça dans le passé avec des femmes qui étaient extrêmement dominées par l'homme. Tu sais, quand une femme, son gars, il arrive de chez une taverne, là, puis qu'il est pacté, puis c'est une petite machine à frapper, là. La fille est fine en maudit, pas manger une claque, puis se faire casser une côte. Bon, tu vas dire ça a changé. Pas tant que ça. Les mâles, ça va toujours être des mâles. Même si les sociétés changent, un mâle, ça va rester un mâle. Aussi, il va avoir le même comportement face à l'absence. Ce qui fait le plus souffrir un mâle, c'est l'absence. Puis ce qui fait le plus souffrir une femme, c'est le manque de reconnaissance de l'homme à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle pense. Il y a des femmes qui ne font pas beaucoup de choses, mais ils veulent que ce qu'ils pensent, ça soit un fait accompli. Puis les gars ne donnent pas de crédit à ça. Ils donnent un crédit à ce qui est en autorité par l'action, par le fait d'avoir fait quelque chose. Fait que les femmes qui disent, ah ben moi, là, j'y parle, j'en ai une là, qui me vient tous les ans, là, ben, elle tourne en guerre avec son mari parce que sa carrière est grossie, puis ci, puis ça, puis elle peut pas l'influencer dans le choix de ses secrétaires, puis il y a 50 cossins. Tu vois qu'elle veut avoir du territoire, mais elle fait rien pour avoir du territoire. Puis pour faire du territoire, tu fais pas ça dans le giron du gars, tu sors de son giron, parce que là, tu t'enrichis tout le temps son pouvoir décisionnel, mais toi, tu t'enrichis pas pour développer une reconnaissance ou un respect de ton environnement. C'est des couples qui sont acculés au pied du mur. C'est l'argent qu'ils gardent ensemble, parce que s'il n'y aurait pas d'argent, si ça fendrait bien net. Bon, là, tu vas me dire que le rapport qu'il y a avec le fait que c'est important d'être en couple. Je l'ai expliqué dans l'autre CD d'avant, Savoir aimer. L'objectif final, c'est d'arriver d'être mental. Puis si c'est d'être mental qui est l'objectif final, je ne dis pas que c'est l'objectif quand tu es dans l'âme, mais il y a des gens qui ne sont pas conscients que le mental existe, là, dans le sens, pas de l'intellect, mais dans le sens d'être un canal des forces. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont être longtemps sans savoir que ça existe, mais ils peuvent être, à un moment donné, on va dire, entre guillemets, sages. T'sais, ils vont dire, ah ben là, quand je parle à mon mari de telle façon, il y a une tempête qui se lève, puis si je parle d'une autre façon, ben la mer est calme. Mais on ne peut pas éviter les tempêtes, qu'il y a des problèmes financiers, des problèmes ici, il faut les régler, puis ils ne m'écoutent pas. C'est ce que je l'ai entendu dans ma vie, ça. Il ne m'écoute pas. Il fait à sa tête. Ben, pourquoi parler à l'autre si tu fais à ta tête? Ben, c'est comme... tu as besoin de battre quelqu'un pour te sentir plus fort. Tu sais? C'est un peu ça. Puis il y a des femmes, c'est pareil. C'est matriarcal à l'os. Ils vont bûcher sur le bonhomme parce qu'ils sont anxieuses. Puis ça lui fait du bien de frapper quelqu'un. Là, tu sais? Simplement, là, c'est comme... Bon, ben, tu vois mon tata, là, t'as beau travailler telle place, là, mais tu ne rapportes pas assez. Il lui manque 10 000 par année. Là. Qu'est-ce que t'attends pour faire quelque chose? Elle n'a pas pensé qu'elle pouvait faire quelque chose. T'sais? Fait qu'on est dans des situations que, quand c'est pas ta faute, c'est la faute à la vie ou c'est la faute à un événement. Puis l'importance dans le couple, c'est de toujours garder le focus sur régler les problèmes de survie. C'est juste ça que ça sert, le couple. J'aurais une meilleure vie, vivre à deux, si je changeais ma façon de penser le couple. Parce que moi, je suis le gars qui pense que c'est moi qu'il faut qu'il sauve les deux. Comprends-tu? Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait payer d'un peu d'insécurité pour avoir du partage. En d'autres termes, si tu ne t'assures pas de ton avenir, mais tu t'assures de ton présent, c'est plus chanceux d'avoir un avenir. Fait que si je m'occupe au présent d'assumer les tâches qu'il faut assumer pour que toute la réglementation des comptes se fasse, bien, j'ai plus de chances d'être dans un avenir que si l'autre est pauvre comme le Christ, que moi, je garde tout mon argent et qu'on ne partage rien. OK? Le seul problème, c'est que le couple peut virer à un trade plate plutôt qu'à un trade agréable. Puis ça, c'est juste une question de sécurité personnelle. Deux personnes insécures sont assurées d'un divorce. Assurées dans notre période de vie d'aujourd'hui. Quoi? Parce que devant un problème, il gèle. Donc, il y a inévitablement, s'il y en a un de solide, donc qui n'est pas peur, capable d'affronter, c'est lui qui va être obligé de mener le show. Puis l'autre n'aura pas le droit au chapitre dans les décisions, parce qu'il est peureux. Fait qu'il s'agit que tu aies une femme, que tu t'en vas avec, puis que tu vois bien qu'elle veut se faire prendre en charge, puis qu'elle ne veut pas avoir de responsabilité sur ses épaules, parce que c'est fatigant. Et ça, ce genre de femme-là, c'est un gros maringouin, là. Ça fait des bourdons. Là. Quand ça te pique gros, puis là, ça t'handicape pour pouvoir prendre des décisions. Parce que tu dis, hey, si je fais ça, ma femme, elle va capoter. Ou mon mari va capoter. Parce qu'il y a des femmes qui, c'est eux autres qui ont le torque dans la maison. Là. Fait que les couples, c'est conditionnel à une structure karmique. Il y a des gens qui s'endurent parce qu'ils ne sont pas capables de voir quelqu'un qui peut remplacer. Donc, ils sont très insécures. Puis l'autre, ça peut être pareil parce qu'il se fait communiquer l'impression que. Si elle, elle s'en va ou lui s'en va, il n'y a plus rien après. Fait que l'importance du couple, c'est dans le test. Tu es testé dans une relation de couple. Moi, j'ai vécu 4 structures de couple, puis j'ai été testé toujours sur différents domaines qui m'ont, après le combat, m'ont donné plus de force. Mais ce n'est pas l'autre qui m'a donné plus de force. C'est moi qui étais capable d'assumer le où il fallait couper puis le où il fallait s'engager. Pas toujours intelligent de rester engagé, là. Mais définitivement que le couple, c'est là pour tester ton émotivité, tester ta stabilité mentale et puis surtout te forcer à trouver des solutions pour que le couple s'en sorte au niveau de sa survie personnelle. Tout le temps. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que pour les couples que ça va bien, bien, ça lui permet d'avoir un talking partner que s'il est reconnu, Christ, c'est une force de plus. Tu sais, tu vas dire à l'autre, écoute, tu sais conduire, puis parce que tu sais conduire, bien, tu pourrais aller chercher ça avec l'auto. Bien, ça, l'importance de vivre en couple, c'est un test! J'ai toujours dit, sur toutes les plateformes qui étaient possibles, c'est un règlement de compte. Mais c'est bon, un règlement de compte. Mais parlez-moi pas d'harmonie qui n'en finit plus sans t'entendre, voyons donc. Tu vois ça dans les films, c'est pas la réalité, ça. La réalité, c'est que l'autre va toujours t'emmener dans les recoins de tes limites et puis va te placer. Les femmes, tiens, juste te donner un exemple. Les femmes, le gros fun, c'est de mettre deux hommes en opposition, un par rapport à l'autre. Tout le temps. J'ai jamais vu dans ma vie une femme qui mettait pas un autre homme en compétition avec son mari. J'en ai jamais vu. Puis j'en ai vu du monde. J'en ai vu. Au-dessus de 30 000 personnes. Ah, oh, elle aime son chum. Oui, mais elle voudrait voir jusqu'où il est fort. Elle va l'emmener sur le terrain. C'est animal. Fait que quand tu es dans le monde de l'homme, puis tu parles de couple, dans le sens animal du terme, c'est tout le temps un processus d'évaluation sur toutes sortes de registres. Puis là-dedans, les gens essaient de se bâtir une cohérence dans leur évaluation parce qu'ils cherchent un raisonnement. Hein. Ils ne sont pas rendus au niveau d'être intelligents, là. Ils sont rendus au niveau d'être intelligents dans le sens intellectuel du terme. Fait que c'est du comparatif tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comparer ça avec ça, puis avec ça, puis avec ça. Puis ne jamais questionner son engagement. Ça, c'est l'espèce d'hypocrisie absolue qu'on rencontre dans les relations de couple. Puis juste maîtriser ton jaloux puis ton comparatif, là. Christ, t'en as pour 10 ans facile. Parce que quand tu n'es pas dans l'intelligence et tu n'es pas canal, tu ne peux pas voir que la vie t'a placé ça pour ça. Tu n'es pas intelligent. Fait que tu vois tout le temps la vie en termes de te soumettre à des expériences tantôt positives puis tantôt négatives. Donc, l'importance du couple, pour moi, je regarde, je me suis formé dans les structures de couple. Je me suis formé à de la patience. Je me suis formé à un centre de gravité. Tu sais, quand tu es avec une femme que tu baises avec, puis qui te critique. Hey, ton dessus de bras, là. Ouais, puis. Tu penses pas que quand on va baiser, je ne sentirai pas en dessous des bras, c'est quoi ton affaire? Ouais, mais là, on commence. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, mais il va te laver le dessus de bras. Ah ouais, OK, correct. Ça coupe la libido, nasty, hein? Quand tu es dans le punch, là, tu te fais dire, hey, ton dessus de bras. Ça, c'est juste une qui faisait ça. T'as une maîtresse, Chris, elle est prête à baiser qu'un bûcheron, câlisse. Qui sent des pieds, des bras, de la poche, n'importe où. Mais elle veut baiser, câlisse. Elle se pose pas de questions. Mais non, ça fait 8 ans qu'on vit ensemble, puis là, ben, il y a un petit olive qu'il faut rajouter au hors-d'œuvre. Voilà. Là, ben ça, t'es pas dedans aujourd'hui. Mais ouais, écoute, après avoir sorti de la douche, je me suis refroidi. Tu sais, l'importance du couple, c'est de passer des tests. Des tests, des tests, des tests, des tests, des tests, des tests, des tests. Puis le winner là-dedans, c'est de les passer les tests. Tu ne fais pas ça pour l'autre. Tant que tu fais ça pour l'autre, tu te fais enculer. Mais quand tu fais ça pour toi, que tu dis. Tu sais, fait que la dynamique du couple, c'est une dynamique importante pour t'amener progressivement à l'intelligence, pour avoir une conscience de la polarité, pour avoir une conscience que tout n'est pas rose, que c'est pas vrai, là, que c'est toujours rose. OK? Que quand tu pètes une crise, t'as pas de contenance. Comprends-tu? Fait que quand tu arrives dans une démarche de couple, puis que tu sais que tu vas être testé, bien, quand le test arrive, fais pas l'élément surpris, puis commence pas à questionner l'autre même-tu. Premièrement, l'autre n'est pas né pour venir t'aimer. Il est né pour utiliser ce que tu faisais qui fait son affaire. Il y a des gens, là, qui sont dans ta vie juste parce qu'ils baissent bien, puis c'est à titre. Il n'y a pas d'autre chose à tirer de ça, là. C'est la relation, c'est style le repos du guéri, le repos de la guerrière, appelle ça comme tu veux. Mais ils sont là juste pour ça. N'en pas plus, là, c'est pas. Ils n'iront pas à place des arts avec toi. Ils sont pas bâtis pour ça. Si tu n'es pas capable de traiter avec la limitation, Chris, sors de là. Aujourd'hui, tu ne te feras pas juger. Tu sais, il n'y a pas juste Il n'y a pas juste le paraître à un moment donné, il y a l'habitude, l'honnêteté. Tu es avec quelqu'un d'honnête, il ne te fourra pas, il fait attention à son argent, il fait attention à la tienne. Puis le couple, c'est quelque chose pour la survie. C'est quelque chose qui doit aider l'autre à survivre. Si c'est pas ça, restez pas ensemble, vous perdez votre temps. Moi, j'ai pas connu ça, l'affaire de les deux partagent, payent le loyer en commun. J'ai jamais connu ça. Mais je trouve pas ça fou. À ce temps que j'ai plus les moyens, je dis, ça doit faire drôle, là, Marc, les premiers mois. Là. Chacun partage ses frais. C'est quoi ça? C'est comme mon gars, comment ça coûte? Me posez pas cette question-là. On enregistre les chiffres, puis on verra. Puis, tu sais, c'est comme coûtait. Coûtait de l'argent, là. Ça me coûtait pas mal d'argent. 5 000 piastres par mois. Pas 5 000 piastres par mois. 5 000 piastres par année, au moins, minimum. Quand il était bébé, là, les couches, les ci, les ça, le kit. Coûte cher, un bébé, là, un enfant, puis n'importe quoi, là. Mais, je ne regardais pas ce que ça coûte. Je dis, Chris, il va avoir une bonne éducation. Il va avoir son héritage si je meurs avant mon temps. Les parents ne pensent plus de même, hein, c'est comme ça coûte cher. C'est, tout ce que tu entends, c'est mes enfants me coûtent cher. Mais oui, le tête, t'as tout de pas en faire un. Ben ouais, on se laisse aller, un moment donné. Hein, c'est ça. Dans le couple, tu es supposé avoir les deux qui pensent à la survie de la famille, s'il y en a un. Il y en a-tu du monde encore comme ça? Des fois, je me le demande. Le monde se déresponsabilise, surtout les hommes, c'est débile mental. Ils se déresponsabilisent, Ben ouais, ma femme, elle va payer le reste. Oui, ta femme, tout à coup, qu'elle n'est pas capable. Tout à coup, un des signes astrologiques qu'elle avait resté à la maison, tu vas faire quoi avec ça, toi? Là, tu es obligé de penser comme moi. Moi, je suis le vieux modèle, mais le vieux modèle, des fois, il marche mieux que les nouveaux. Parce que moi, je suis responsable. OK, c'est ça. Mais, tu passes des obstacles qui ne sont pas conscients du futur. Donc, tu ne passes pas des obstacles pour l'autre, tu passes des obstacles pour toi. C'est toi qui passes un obstacle. Avant que tu découvres que tu vis ta vie pour toi, seulement, avec quelqu'un, pour régler des problèmes de survie, ça prend peut-être 40, 50 ans, peut-être ça prend 2-3 vies, c'est possible. Mais il restera toujours que c'est une question de t'es-tu intense? T'es-tu capable de vivre ta vie comme ça exige de vivre ta vie pour avoir un contact de ta source? C'est ça, les gens qui veulent vivre en couple, ils pensent que c'est la merveille, la merveille, la merveille. Moi, je lui dis tout le temps, laissez passer une couple d'années, là, puis vous allez voir, le couple commence 3 ans plus tard. Avant ça, c'est une fréquentation, Chris. Collez-moi pas l'achat de « vous êtes en amour ». Puis quand vous avez passé le 3 ans, il vous reste la 7e année. La 7e année, on se connaît toutes, on s'est liché de partout, on sait ce qu'on goûte, puis on sait que ça ne changera pas surtout, puis que ça peut juste s'empirer en vieillissant. Fait que, OK? Fait que là, c'est plus une affaire de sexe, là. C'est une affaire de « t'es-tu bien ». Le trade est-tu valable? Si l'autre, il te sent avec une tension, es-tu capable de respecter ça? À la dernière conférence, j'avais un gros rhume, une grippe pour dire, et j'ai été obligé de faire beaucoup de montage qui a réduit énormément le temps que j'ai utilisé pour cette conférence dans mon enregistrement, à cause évidemment des coupures que j'ai été obligé de faire. Je vais mettre ici en relief une expérience qui m'a été très personnelle, qui probablement ne sera pas vécue par beaucoup de gens, de ceux qui vont écouter ce CD. C'est ce que j'appelle le couple virtuel. Bon, on s'entend qu'au niveau de l'âme, le couple, c'est une appartenance mutuelle, évidemment. C'est aussi un consentement mutuel, idéalement. Je sais qu'il y a des gens qui... dans leur programmation de culture, se font des fois choisir le mari, dans les pays arabes, entre autres. Mais d'une façon générale, dans un monde libre, la femme consent, au même titre que l'homme, à appartenir, ni plus ni moins, à une relation qu'on qualifie de couple. Dans cette dynamique-là, évidemment, il y en a toujours un qui aime un peu plus que l'autre. Les deux peuvent s'aimer quand ça va très bien. Chose qui ne se passe rarement que plus que 7, 8, 10 ans. Après ça, on tombe dans certaines habitudes. Mais d'une façon générale, si on parle d'un couple qui va bien, c'est une appartenance consentie mutuellement pour pouvoir établir une famille et pour éventuellement établir une certaine forme de fondation solide à cette fameuse famille pour qu'il y ait héritage, pour qu'il y ait héritage génétique, héritage dans les comportements. La grande famille traditionnelle, quoi. On s'adresse évidemment à un monde qui, quand il écoute un CD, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas nécessairement un problème, mais il y a une mutation. Et il y a définitivement à ce moment-là besoin d'avoir un regard différent de ce qui est le gros standard familial classique, qui va bien, qu'on voit dans les films, dans certains cas, et puis qui donne à chacun, comme on dit, son rêve. C'est pas votre cas, ça n'a pas été mon destin, moi non plus. C'est pas que j'ai pas espéré ça. Faut s'entendre. Faut bien comprendre que j'étais très classique dans mon style et que la vie m'a placé quelques planètes dans mon thème astrologique pour faire des gros changements. Ce qui m'a permis, pour bien prendre ça, de commencer à regarder comment est-ce qu'on peut penser un couple quand la vie s'acharne à nous le détruire, ou du moins à créer des résistances ou des obstacles qui finissent par être insurmontables avec le temps. Chaque individu vient sur la planète pour une raison: évoluer, se développer, changer sa vie, vivre ses rêves. Ça demande des ressources, ça demande une volonté, ça demande beaucoup d'intelligence. Et fréquemment, ça demande un accompagnement. Comme dirait un de mes très bons amis, on n'est pas intelligent tout seul. Tu es en relation avec des gens. Tu es en compétition avec des gens. C'est en se faisant la guerre avec des gens qui ont une opinion différente de la nôtre et qui nous suggèrent de regarder ça à leur façon plutôt qu'à la nôtre. Et à l'intérieur de tous ces mouvements-là, on arrive à se définir et on arrive à trouver un point de confort qui nous permet de considérer qu'on a une capacité, une ressource réelle en dedans de soi, qu'on sait utiliser dans l'échange des points de force ou des points d'activité qui nous permettent de se mobiliser, d'être plus mobile, d'être capable de goûter finalement à la vie dans son sens large et non pas dans son sens strictement isolé. Il y a des gens que c'est plus difficile que d'autres, et c'est à ceux-là que je m'adresse principalement, et qui n'ont pas été, ils ont eu de bénéfices dans la nature pour avoir une esthétique réellement qui les avantage à se donner un couple qui est, comme un peu dans les films, qui est un peu comme une forme de rêve. Autant du côté homme que du côté femme, je m'adresse aux deux. Et à un certain moment donné, on a comme une espèce de ras-le-bol d'être infériorisé par des valeurs sociales. OK, on n'est pas beau, on est gros, on est maigre, on n'est pas dans les standards de beauté, on n'est pas dans les standards financiers, on n'a pas rien à offrir, on fait dur, c'est la grosse misère noire. Puis là, on se dit, Calice, vas-tu finir par vivre? Bon, évidemment, quand on arrive à des constats aussi dramatiques, c'est parce qu'en quelque part, on met ça pire que c'est, bien souvent. Et là, ça devient important de voir où est-ce que peut se situer un relationnel dans lequel on va se développer. Comme je l'ai dit, on ne peut pas être intelligent tout seul. Donc, il faut corroborer nos ressources, notre compréhension de la vie, notre interprétation des valeurs, ces choses-là. Il faut les corroborer avec des gens qui sont capables de la même type de sensibilité que nous autres. Je dis sensibilité parce qu'il y en a que, bon, c'est tout doux, mais il y en a d'autres que c'est particulièrement agressif et rebelle et puis indomptable, puis tout ce qu'on peut imaginer. Puis on dit, ah ben lui, je l'aime bien, il pense comme moi. Moi, il pense comme toi. Et même problème. Et à partir de ça, évidemment, on évolue. L'évolution, finalement, c'est comme un fracas constant dans nos limites, là, tu sais. Quand je dis fracas, ça veut dire qu'on essaye toujours de dépasser nos limites, nos tensions. Moi, je trouve personnellement très inspirant les gens qui font des sports, qui demandent de prendre des risques, qui demandent une sorte d'entêtement à vouloir faire d'un 4 ans à l'autre, je parle des Olympiques ici, d'un 4 ans à l'autre des efforts de conditionnement incroyables. Mais ce que j'ai remarqué, même aux Olympiques, c'est que même si les gens ont certains talents naturels, il faut l'avouer, ils ont quand même un support familial, ils ont un support d'une famille. On regarde des émissions comme La Voix, où les gens viennent s'exposer à chanter, puis à mettre le maximum de leurs capacités. On a toujours comme des gens qui les accompagnent, tout le temps. On est dans un bureau, souvent le caractère social du bureau permet de supporter l'effort, la routine du travail. C'est pas selon ce qu'on a l'air, non, pas tout le temps en tout cas. Et puis on voit qu'il y a des gens qui sont ensemble à échanger avec intensité sur des sujets qui sont des projets évidemment. Et puis que l'esthétique ici n'a pas d'importance. Le combi qu'on a dans nos poches, la finance, quoi que ce soit, n'a pas vraiment d'importance. Faites une étude sérieuse de votre comportement dans ces milieux-là, dans ces échanges-là. Regardez qu'est-ce qui vous stimule. C'est bien beau de dire « moi j'ai réalisé tout seul telle chose », mais c'est pas tout à fait vrai. Vous avez eu une préparation, souvent pour une réalisation, et puis il y a des gens qui étaient là. Et puis dans ces gens-là, que ce soit de la famille ou autre, il y avait comme un team, une équipe. Et dans cette équipe-là, il y a du couple virtuel. J'applique sur ce point-là parce que quand à un moment donné, j'ai eu deux relations, une qui était la vie familiale que j'espérais être éternelle et qui a malheureusement tourné au vinaigre, une deuxième que j'espérais être une bonne récupération, un peu comme à la bourse, quand on fait des grosses pertes, on se dit « Ah, faut que je me refasse! » Donc là, j'en ai engagé une deuxième, réelle. Là, tu sais, style, on vit ensemble, on baise, on fait tout ce qui est nécessaire dans le quotidien pour que l'autre soit en sécurité. Et puis, problème encore de comportement, de part et d'autre, ça a l'air. Un qui travaille trop, ça a été ma bibitte. Et puis, l'autre qui m'en est critique à l'extrême et puis décide de s'en aller. Là, j'ai dit, wow, après deux, là, c'était pas compliqué quelque chose, il faut être... Faut que tu fasses des recherches, des études. Là, je me suis mis à étudier que, bon, deux personnes qui sont mises en présence sont plus sujets à s'accrocher que deux personnes qui sont chacun de leur bord de la rue. On s'accroche moins dans ce temps-là, il y a plus d'espace. Et là, je me suis mis dans l'idée, je dis, moi, mais il y a bien des gens qui le font, on va dire, naturellement ou subtilement ou inconsciemment, plus ça comme vous voulez, mais je me suis mis dans la tête de faire un couple virtuel, c'est-à-dire de prendre une personne qui a besoin, évidemment, de se développer, comme je l'ai mentionné au début, qui a besoin d'évoluer. Et j'ai dit, bon, ben là-dessus, l'évolution, ça, je m'y connais. Donc, si l'autre a tout son espace, peut dormir chez eux, peut travailler quand il veut, dans le domaine qu'il veut et selon comment qu'il veut. En d'autres termes, qu'ils veulent ce qu'ils veulent. Moi, je vais simplement m'arranger pour être le support d'eux. J'ai déjà mentionné dans une de mes conférences que pour vouloir, il faut pouvoir. Qu'on ne peut pas vouloir si on ne peut pas. Il faut avoir une ressource, il faut avoir un support, il faut avoir un accompagnement qui nous permette de vouloir. C'est plus facile de vouloir quand il y a de la ressource. Bon, vous allez penser à avoir de l'argent, ça c'est sûr que c'est une ressource. Mais souvent, il y a un besoin d'avoir une discussion, ce qu'on appelle en anglais « talking partner ». J'ai dit, moi, comme « talking partner », pas payé par tout. Franchement, là, capable. Coûte pas cher. Puis, j'ai de la disponibilité. Bon, qu'est-ce qui peut manquer? Qu'est-ce que l'autre peut me refuser? Il peut me refuser d'aller vivre chez eux. Il peut refuser de venir chez moi. Il peut refuser de faire certains sports que je pratique ou que elle, la personne, pratique, que moi, je ne suis pas en mesure de le faire. Pour des raisons physiques, pour des raisons, peu importe la forme. Et puis, on peut évidemment avoir un handicap au niveau de la sexualité. La personne, elle n'a pas le goût de moi, elle a le goût d'un autre ou elle a le goût d'autre. Mais c'est à moi de démontrer que je suis capable de la faire évoluer. Même si elle évolue avec d'autres, c'est pas grave. Ce qui est important dans l'objectif de tout, c'est d'évoluer. Et puis, que si j'ai un souci très particulier de vouloir que l'autre évolue, il faut que je trouve mon salaire, il faut que je trouve moi, qu'est-ce que je peux... voir ou vouloir avoir comme salaire. Puis là, j'en suis venu à dire, qu'est-ce qui serait le salaire ultime? Dans le sens que tu peux faire presque n'importe quoi, à part de donner ta vie, évidemment. Et puis, qui sait ton salaire. Et là, j'ai remarqué avec les années que ce qui était essentiel, c'était de la présence. Une sorte de présence animale, présence vocale, une présence corporelle, une présence. Là, je dis, ouais, ça a bien du sens. Si je multiplie les occasions de présence, ben, on peut en arriver à vouloir aider l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de couples qui servent de leur relation pour se développer, mais ils ne sont pas au service de leur relation. Ils sont des takers et non des givers. Puis il y a des gens qui sont tellement omnibulés par la personnalité de l'autre qu'ils jouent le jeu d'être giver à l'infini, c'est-à-dire qu'ils donnent, qu'ils donnent, qu'ils donnent, et se font saigner à blanc au courant de 10-12 ans de vie commune. Il y en a beaucoup de ça, beaucoup plus qu'on pense. Ce qui m'amène à dire que dans le couple virtuel, on donne ce qu'on peut et non pas ce que l'autre veut. Grosse nuance. Eh boy, oh boy, tu sais, ça s'appelle pas tu vas sortir les poubelles à soir. Oh non, on n'est pas dans la même maison. Tu sors tes poubelles et je sors les miennes. Et si tu travailles, tu fais ton cash, je te le mets dans ton compte. Puis moi, si je travaille, je prends mon cash, je le mets dans mon compte. Puis quand on fait des dépenses, ben tu fais les dépenses avec les moyens que tu as, puis moi je fais mes dépenses avec les moyens que j'ai. Bon, on va dire, ouais, mais là, tu as dit dans l'autre partie que le couple, c'était pour régler la survie. Oui, mais n'oubliez pas, là, la relation est virtuelle. On peut peut-être prêter de l'argent à l'autre, on peut même y en donner, ça dépend toujours du portefeuille que vous avez. Mais ça reste tout le temps qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance, parce que souvent, la paye dans une relation. Le salaire dans une relation, il n'est pas financier, il est dans le fait d'avoir la personne en exclusivité de telle heure à telle heure, de telle date à telle date, ou tout simplement dans une phase de la semaine, point final, puis que le reste, ben, la personne, elle le partage avec son travail, avec ses amis, avec ses études, ou peu importe le secteur d'activité qu'elle va avoir, mais pendant le temps qu'elle est dans un secteur d'activité, vous n'avez pas d'emprise sur cette personne-là. Il y a un autre phénomène dans le couple virtuel, la prise d'acquisition. Il n'y en a pas gros. Ou qu'il n'y en a pas gros. Le couple peut se finir sur un coup de téléphone. 10 secondes, bang, comme dans l'annonce. J'ai tout ce que je veux chez Jean Coutu. Donc, toi, tu ne me le donnes pas, je te laisse. T'as une bonne annonce, pareil. On est dans une société où tout peut finir dans un instantané. Puis, il n'y a pas nécessairement d'erreur. Il y a simplement des directions de vie qui se croisent puis qui vivent éventuellement, qui s'écartent vers d'autres climats, d'autres ambiances, d'autres zones de définition personnelle. Ce qui devient intéressant là-dedans, c'est que si on est possessif, on n'est pas capable de faire un couple virtuel. Il faut passer par le couple standard, classique, relation sexuelle. Relations sociales, familiales principalement, et puis éventuellement sociales, les amis, et puis bon, mais le couple se fait un certain confort, une certaine assise dans ces secteurs-là, la famille, les amis, et puis ils calculent leurs scènes pour que ça puisse arriver à la fin du mois. Et ils se marient, ils ont eu beaucoup d'enfants, c'est de gros standards, ça, là. Mais comme je vous l'ai dit, le couple virtuel, c'est pour un autre standard, mais il y a d'autres règlements aussi. On n'est pas amis, on est plus exclusif, on se fait des confidences que même entre amis, ça serait trop exagéré. Ou que si on pense que l'autre est un ami, en fait, c'est un couple virtuel. Ça devient des éléments où on se préoccupe de l'autre pour qu'il garde son équilibre, sa survie, parce qu'on a besoin de lui. Donc, on a besoin de l'autre, mais on ne s'engage pas avec l'autre. Comme je l'ai dit, quand c'est virtuel, c'est parce qu'il y a des zones de consentement qui ne sont pas libérées. Et il y a toujours un petit peu d'attente que ça aille vers le couple classique, mais avec le temps, on finit par voir que la liberté qui se dégage de cette virtualité-là est un atout important pour notre développement. Et puis, ça nous empêche d'avoir des crises de jalousie qui nous limiteraient dans nos rapports avec les gens. Puis souvent, ces rapports-là, on ne voit pas ce que ça donne, mais ça nous apporte beaucoup que l'autre ne peut pas nous apporter. Que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans des milieux de voyage ou de rencontre. Puis c'est pas trop sexuel, là. Il faut sortir de la maladie de penser que tout est sexualisé dans la vie. Je vois qu'il y en a beaucoup, là. Mais c'est pas le standard. Donc, si vous êtes capable d'établir un rapport ou une relation avec une personne qui sent la propriété, ça va vous demander d'être très créatif. De toujours penser la relation en fonction d'une perte, ça nous amène tout le temps à dire, ben, il faut que j'en profite au maximum. Et profiter au maximum, ça ne veut pas dire épuiser l'autre. Non, ça veut dire toujours donner à l'autre un niveau de satisfaction qui lui envoie un message de répétition, de dire, ah, je suis bien avec ce gars-là, moi, je suis bien avec ce fille-là. On a besoin que ça se répète plus souvent. Puis là, ben, dans cet élément-là, ben, on se dit, pendant que c'est là, il faut que j'y goûte, parce que quand ça va partir, il y a une date d'expiration, c'est n'importe quoi. Même dans un couple, il y en a un qui meurt avant l'autre, ou quelque chose du genre. Fait que, on devient plus conscient du temps, puis du pourquoi on est ensemble, puis de où ça nous mène. Parce que l'autre, où ça le mène, on veut bien y aller selon ses besoins, mais des fois, ça nous mène beaucoup plus loin que le simple fait des besoins. Ah, écoutez, je vous aime, mademoiselle. Puis, ah, écoute, je t'aime beaucoup. Puis, écoute, si t'es mal pris, dis-moi-les, je vais t'aider. C'est trois registres, trois types de sons qui sonnent pas pareil dans la tête de l'autre. Coupe virtuelle, c'est pas parce qu'il y a une distance qu'il y a pas de c'est pas parce qu'il y a une distance, on va dire, physique, qu'il n'y a pas de proximité mentale. Et plus on favorise la proximité mentale, plus on se rapproche de l'essence même de la vie. La vie, se faire plaisir, c'est sûr qu'il y a des sensations, il y a les cinq sens, le goûter, le toucher, la vue, les oreilles, quand on écoute de la musique. Mais il y a beaucoup de choses qui nous donnent satisfaction, qui n'ont aucun rapport avec une autre personne. Ben, vous dites, le sexe, il faut absolument avoir un partenaire, ouais, ok, correct. Mais c'est pas 100% de la vie, il ne faut pas charrier. On a une grosse partie de la vie que c'est au niveau de l'exploration de nos propres sens pour nous-mêmes. L'évolution de notre mental, c'est pour nous-mêmes. Prendre conscience de grands principes, c'est pour nous-mêmes. Moi, je pourrais bien dire que mes CD que j'ai vendus à des gens, c'est une forme d'intimité. Que les gens qui font des prises de conscience vivent une certaine intimité avec ce qui se passe dans ma tête. Et puis comment est-ce que ça se transmet à l'autre, puis comment ça se passe dans votre tête. Il y a une certaine chimie qui s'installe. Quand vous lisez un bon livre, vous allez voir un bon film. Il y a une chimie avec le réalisateur, avec l'auteur du film, avec les gens qui font le cinéma. C'est tous des éléments qu'on ne tient pas compte, mais qui font partie d'avoir de l'intimité. Il y a des gens qui disent, hey, moi je suis seul. Ah, t'es tout seul, mais regarde dans la société tout ce que tu as. Tout seul. Que tu peux goûter, puis te faire évoluer, puis tu as juste besoin de rentrer dans un café, puis commencer à parler avec le gars à côté ou la fille à côté, puis il va y avoir une conversation. Puis à la fin, on sort, puis on ne sait même pas quel est le nom de l'autre. C'est toute une forme d'intimité. Les confidences, quand on a fait aux gens, là. Moi j'en fais beaucoup en consultation, j'en fais beaucoup dans mes conférences. C'est une forme de proximité, ça aussi. Ce que je veux mettre en relief principalement, c'est que le couple, essentiellement, c'est pour ça développer. Quand ça tombe au niveau de l'esprit, ce n'est que ça. Et quand ça tombe au niveau de l'esprit, la relation matérielle, physique, c'est sûr que ça ne donne pas la capacité de travailler ensemble, de faire des voyages ensemble, ces choses-là. Tu sais, il y a des handicaps, mais il y a beaucoup d'avantages aussi. On ne dépend pas de l'autre, on n'a pas de poussette à se taper quand l'autre est rendu à 75-80, là. Il faut qu'il roule sa roulette seul. Je parle d'une chaise pour handicapé. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup de désavantages dans le couple. Quand on se pogne, on a tendance à vouloir se pogner, des fois devant du monde, ce qui n'est pas toujours préférable. Tandis que quand on est comme ça, libre, on se pogne, on peut se pogner franc. Mais on n'est pas obligé de s'endurer pour dormir le soir. J'ai toujours dit, moi, qu'est-ce qui faisait le plus de bien à une relation, c'est pas la sexualité ou l'argent, c'est le fait d'être capable de dormir ensemble. Ça, quand on vit un couple virtuel, on goûte pas à ça. Mais quand on est en couple, on y goûte. Mais quand on sait qu'on n'est plus capable de dormir ensemble, c'est que le couple commence à prendre des gros chocs qu'il n'est plus capable d'absorber. Et Ça serait bon que les gens qui sont en couple puissent virtualiser leur couple, arrêter de faire le sexe ou arrêter de dormir ensemble certains temps pour se retrouver individuellement, puis finalement trouver un point de contact où ils sont capables de s'équilibrer mutuellement. Dans la mesure où les gens sont assez intelligents pour comprendre qu'on ne peut pas tout prendre de quelqu'un, on ne peut pas tout avoir de quelqu'un, que l'autre ne nous appartient pas, il convient avec nous. L'appartenance, c'est comme quelqu'un qui loue un auto. L'auto y appartient pour l'utilisation, mais ne lui appartient pas concrètement. Si les gens étaient conscients de cet aspect de l'appartenance qui peut être extrêmement nocif dans un échange, qui fait qu'on s'ingère littéralement dans le sens décisionnel de l'autre, et qu'on n'est pas toujours le pouvoir qu'il s'attend à avoir pour pouvoir vouloir. Quand je dis pour vouloir, il faut pouvoir, souvent quand on est deux, on se fie sur la présence ou les ressources ou les moyens de l'autre pour pouvoir faire quelque chose. Donc on va vouloir, mais c'est comme conditionnel au pouvoir que l'autre nous apporte. Puis l'autre n'est pas toujours consulté là-dedans. Fait que là, à un moment donné, on lui demande quelque chose, puis il n'est pas disponible à ça du tout, du tout. Puis parce qu'on est en couple, on dit tu me le dois. Hey, c'est quelle base! Fait que là, on est pris avec les fameux problèmes d'appartenance dans la relation. Dans la virtualité, non, ce n'est pas ça. L'autre, on est obligé de le laisser faire avec ce qu'il veut. Puis quand on ne peut pas, ben on s'excuse, on dit, ben écoute, moi, je ne peux pas t'aider là. Tu es obligé de trouver ça ailleurs. Puis on accepte ça parce que l'autre ne nous appartient pas. Comme ça devrait être dans le couple. Mais dans le couple, on a comme un statut social. Tandis que dans le couple virtuel, il n'y a pas de statut social. T'es là, puis il faut être prêt à vivre dans le... Ah, je suis plus là. Puis là, tu sais, c'est un vacuum, ça, là. Ça crée un vide, là, pendant une couple de semaines. Ça reste que même plusieurs mois. On vit comme une sorte d'aspiration dans un vide écœurant, là. Comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui va être capable de vivre ça. Mais tout le monde devrait avoir ça comme alternative. Ça serait moins paniquant si on arrive à une date d'échéance dans une relation de couple. Évidemment, je parle juste des couples qui vont mal, là, tu sais. Il n'y en a pas tant que ça, hein, moi aussi. Les couples qui vont bien, ils doivent avoir des beaux karmas. Hein? Ils doivent pas avoir à s'expliquer souvent ou à se justifier souvent. Définitivement, des gens qui sont chanceux, très chanceux. La vie leur a donné tout ce qui était nécessaire. Mais je caricature là, parce que je ne crois pas à ça vraiment. Étant consultant, j'ai vu beaucoup plus les underground du couple où il y avait beaucoup de choses que les gens voulaient faire ou vivre avec l'autre, que l'autre était incapable ou trop de peur, trop d'angoisse, trop de difficultés. Et puis il disait, ben écoute, je passe mon tour, je vais te laisser faire ça tout seul. Puis c'est pas ça que l'autre veut. L'autre, il veut le vivre avec son chum, il veut le vivre avec sa blonde. Par contre, ils vont être capables de ménager l'image. Que les gens pensent que tout va sur des roulettes. Il y en a que c'est les rois du maquillage, hein? Les rois, les reines, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est une alternative, le couple virtuel. Pensez-y 5 minutes, ça peut être drôle, surtout en vieillissant. OK, dernière demi-heure, faites, posez-moi les questions. Comment, mettons, les couples qu'on a eus dans nos vies, c'est des étapes pour nous faire comprendre de quoi? Pour maturer. Ça a tout été pour vous autres. Il faut voir la game pour vous dire qu'on vit quelque chose pour les autres. Puis même encore, quand vous voyez la game, moi, les forces me font faire des affaires. Je sais que c'est pour les autres. Je sais que c'est pas pour moi. Quand je passe un test, ils ne m'avertissent pas. C'est un trip d'âme qu'il faut que je claire, là. Je suis pas informé là-dedans. Là. Ils vont me laisser vivre mon trip d'âme. Les carabines, ils m'ont pas rien dit. Quand j'ai acheté mes carabines, je me pensais, moi, que j'étais pour emmener du monde à tirer. Jamais. Là, je suis rendu que je regarde pour un pistolet, puis je me dis, bon, j'ai pas le goût d'emmener du monde, tirer du pistolet. Ça me le dit pas. C'était pas ça qui était montré. J'ai plus la passion, j'ai plus d'âme pour ça. J'ai l'âme pour moi, là, pour vivre mes affaires cette année. Là. Moi, mon objectif, c'est d'aller tirer du longue distance, c'est tout. Mais ça, c'est un trip personnel. Qu'il y ait d'autres choses qui se rajoutent à ça. On verra. Mettons, t'es habitué d'être tout seul. Là, tu dis, OK, si je suis. On s'habitue pas à être seul. Non. Moi, je cherche pas à être seul. J'ai aucune recherche à être tout seul. Je suis pas capable de rester tout seul. Hey, Chris, c'est un gars qui a 25 chats, là. Excuse-moi, c'est pas un gars qui veut rester tout seul, ça. Ce que je comprends pas, moi, dans le couple, c'est le temps que tu es obligé de mettre. Si moi, j'ai un problème à dire, ça va prendre du temps pour m'en occuper. Quand je pense comme ça, ça veut dire quoi? Pas nécessairement, parce que c'est une réalité, ça prend du temps. Quand tu es dans une relation, l'autre, il veut que tu lui donnes de l'attention, c'est normal. Moi, je dis, mes chats, Chris, ils me demandent de l'attention, c'est 3 heures par jour minimum. Moi, une femme arrive chez nous, puis elle me dit, c'est chaud ou c'est moi, je comprends. Tu comprends-tu? Ça dépend où vous êtes rendu. Vous autres, si vous êtes rendu à vouloir endurer des arguments, puis des affaires, c'est votre affaire, c'est, j'ai passé par là, moi, avec. Mais ça me tente plus, vraiment plus, j'ai plus le goût de me faire dire quoi faire. « Hey, sors les poubelles à soir. » Non, non, non, non, non, non, non. Pas comme ça, faut que tu me parles. « Daniel, ça te dérangeait-tu de sortir les poubelles? » Ou, une autre façon, « Daniel, les poubelles passent demain. » J'aime mieux ça. Parce que les poubelles passent demain, ça dit pas qu'est-ce qui va sortir, les poubelles. Mais ça dit que s'ils sont pas sortis, on va en avoir pas mal en double la semaine prochaine. Tu sais, je suis plus capable de pogner dans l'affaire d'une dictée ou de quoi que ce soit. Tandis que les couples, ils endurent ça, eux autres. Tu sais? C'est normal. C'est la vraie vie. Pourquoi vous battre contre ça? C'est êtes-vous capable de l'endurer? Si vous n'êtes pas capable d'endurer, arrêtez de chialer, vous n'êtes pas capable. Je capote pas, moi, parce que je ne sais pas jouer au golf. Mais si quelqu'un me dit, veux-tu aller jouer au golf? Je dis non. Tu ne sais pas jouer au golf? Ben non. Toi, tu sais-tu faire la cuisine? Ouais. Ben, tu sais jouer au golf, tu sais faire la cuisine, tu es mariable. Je dis, moi, je ne sais pas faire la cuisine, je ne sais pas jouer au golf. Je ne suis pas mariable. Puis là, s'il me rajoute une autre affaire, tu t'arrêtes de gagner à la loterie, toi, là, t'es bien chanceux dans la vie. Alors, regardez c'est quoi vos besoins, puis répondez à vos besoins, puis arrêtez d'avoir peur dans la vie. Moi, j'ai peur de rien, parce que je me place pas dans une situation où m'a fait peur. Comprends-tu ce que je veux dire? Vous autres, si vous avez du couple à vivre, allez-y avec ce que vous êtes capable de contenir. Cherchez-vous pas des modèles. Vous avez des besoins, cherchez pas de modèles. Prenez votre besoin comme l'état nécessaire à votre développement. Faites votre vie. C'est pas un objectif de vie étant en couple. Le couple, c'est un processus de développement dans lequel on passe par toutes les étapes possibles et impossibles. C'est merveilleux. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est merveilleux, le couple. Aujourd'hui, je peux aller voir toutes mes anciennes blondes, pas tellement quand même. Puis, tu sais, vous m'avez aidé à me dépasser moi-même. J'ai dit ça à Nicole. J'ai dit, sais-tu, il n'y a pas une femme sur la planète qui m'a critiqué plus que toi. Puis, j'ai dit, aujourd'hui, je suis plus fort qu'avant grâce à ta présence. Je coupais à l'amour. Oublie ça, là. Oui, tu sais, tu fais ma livrée, paumée, là. C'est sur la terre. J'ai dit, Christ m'a traité pour l'épilepsie. C'est comme ça. Rien savoir. Échanger, un inter. J'en ai vu du monde se paumer dans ma vie, pour toutes sortes de raisons. C'est paumé pour acheter un skidoo, c'est paumé parce que c'est en amour. Pour moi, c'est le même style de paumé. Tu es pris dans une obsession, tu vas frotter ton skidoo comme tu vas t'occuper de ta femme. C'est la même énergie, c'est la même attention. C'est un animal. Réveillez-vous. Ça fait longtemps que j'en parle. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le vivre. J'ai juste dit, pensez pas que c'est le bout du bout, là. T'sais, il y a un bout à ce bout-là, là, comme n'importe quelle patente. Là. Moi, j'ai frotté mes motos, je me disais des fois, ça a-tu de l'allure? Je pourrais donner toute cette attention-là à une femme, un enfant, je vous ai fait un consultant, un moment donné, tu peux vouloir ce que tu peux. Mais quand tu peux rien, tu peux pas vouloir. Moi, je voudrais bien vouloir, mais là, il faut que j'aie du pouvoir. L'autre question. C'est ça. La passion, c'est facile à avoir. C'est une initiation. Crisse-toi en bas d'un ravin, tu vas être en initiation. L'hôpital va casser de partout, puis il va falloir que tu t'en sortes. C'est une initiation. Parce que le couple virtuel, ça peut être un règlement de compte aussi. Oui, oui, oui. Ben oui, j'en ai fait deux, moi. Dominique puis Claire. Si tu n'arrêtes pas l'hémorragie, là. Le tuyau va continuer à couler, là. Ça peut être ça l'instinct que tu voudras. Ça peut être l'instinct du chameau, ça peut être l'instinct de n'importe quoi. Ça revient tout le temps, tu prends, puis l'autre, t'as rien. Tu sais, fait que c'est ça. T'es taker. Moi, je suis giver. OK, ça pourrait être le mâle qui fait ça, là, à la fin. C'est parce qu'une situation que tu ne peux pas corriger au bout de 3 ans, tu ne pourras jamais le corriger à vie. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, je vous donne 3 ans. Parce que si après 3 ans, tout ce que je t'ai indiqué à corriger, ça ne se corrige pas, c'est parce que ce n'est pas corrigeable. Puis là, tu vas finir ta vie avec ça. C'est pour ça que tu donnes ça comme 3 ans pour le couple. C'est un cycle mercurien. Un cycle mercurien, c'est la zone de compréhension de l'individu. Et s'il ne comprend pas en 3 ans, il ne comprend pas. Il n'y a pas le programme dans son computer. Si tu n'as pas le programme, tu peux pas exécuter des fonctions de database quand tu es en Word Perfect ou en Word. Tu ne l'as pas. On a toujours une illusion de quelque chose à chaque fois qu'on démarre un projet, que ce soit en amour. Illusion de quoi? On pense toujours que ça va aller, qu'il n'y aura jamais de problème. Ah, c'est toujours bien aller. Pourquoi qu'on pense ça si on a du cerveau? Pour ne pas perdre la flamme. Mais de faire quelque chose sans avoir d'illusion, là, ça va bien mieux. Parce que tu fais les choses par étapes. Tu ne les fais pas comme. Tu sais, imagine-toi, moi, je commence avec une petite crise de 22. Puis, j'aurais su que j'étais pour vouloir m'enligner vers des 600 verges, 900 mètres, tout le kit. Il y a un gars qui a commencé en même temps que moi, puis l'année passée, il était champion canadien, puis ils l'ont invité au Mexique. On a commencé exactement la même été, en 2010. Lui, il a été conseillé par des gars qui ont dit, écoute, si tu commences, achète-toi ça, ça, ça, ça. Ça a coûté la même chose que moi. Mais moi, j'ai acheté des carabines les faire tirer, j'ai acheté des carabines pour faire essayer ça au monde. Puis, tu sais, je conditionnais mes calibres aux femmes principalement. Je ne peux pas acheter des 30-06 pour faire ça essayer aux femmes. Là, c'est... Fait que je me créais une condition que lui n'avait pas à avoir. Lui, il investissait pour lui. Fait qu'il a acheté une carabine en partant de 3 000, 4 000, 5 000. Puis là, ben, il a poussé à tout le tête avec les meilleurs. C'était un lion, c'est normal. Puis là, il s'est ramassé champion canadien l'année passée, puis ils l'ont invité pour aller tirer au Mexique cet hiver. Sais-tu que ça lui a coûté? La passion, un divorce. Oh. Et voilà. Déménagé, je dis, hey, qu'est-ce qui se passe avec Jonathan? Avec un de ses chums, il dit, il s'est séparé de sa femme, puis il ne reste plus vers les filles, il a changé de place. Oh. Ah ouais, il s'est séparé avec sa femme. Moi, ça m'a dit, Chris, il était trop dingon. La fille a dû lui dire, écoute, tu ne lâches pas dingon, on pourra pas vivre ensemble. Ça prend trop de temps, ça prend trop de capital. Il y avait 50 000 là-dedans. Il avait des attentes, des désirs trop élevés ou trop non. lointains. Non, non, non, non. Il vivait sa vie. Tu n'as jamais à juger ton expérience. Tu as à la vivre. Ça y a coûté un divorce. C'est pas méchant, un divorce. Il a les moyens, il est ingénieur. Il peut se retrouver une poupoune demain matin. Il y a 95 % des femmes qui veulent se faire prendre en charge. Il a les moyens. Fait que si ça va d'une machine distributrice, je vais en avoir une blonde avec les yeux bleus, mets 2000, pop, pop, ça sort, puis on commence. C'est pas compliqué, la vie de l'homme. C'est pas compliqué. Il faut juste être capable d'assumer. Il faut t'assumer. Et la vie. Tout le temps, des conséquences. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Question. Premièrement, en sachant même pas que ça existe. Deuxièmement, c'est en soutenant continuellement que sa sécurité est dans une rationalité, un comportement rationnel. Tu peux pas. Le rationnel, il est limité à sa mémoire. Là. Fait qu'il va simplement raconter ce qu'il interprète comme raisonnement. Oui, il y a bien une conférence ce soir. Pensais-tu que je t'ai pu savoir que ça. Écoute, je toussais avant de partir, c'était hyper débile. Je suis vraiment capable de parler, mais finalement, ça a parlé. J'ai pas pété les plombs, tout est ça, tout est bien passé. Savais-tu que le contact, il donne toujours une idée de perspective? Il donne tout le temps une solution. Moi, c'est la beauté de l'affaire du contact, c'est que je peux pas imaginer qu'il n'y a pas de solution. Ouais. C'est ça, les forces.